Vehicle to Corto. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille sur les ondes de CKRL le 89.1 et sur la toile à ckrl.qc.ca pour celles et ceux qui sont à distance de Québec. Gaëtan Gosselin au microphone. On fait généralement de magnifiques découvertes artistiques au Festival international de musique actuel de Victoriaville. Et on y rencontre aussi des artistes qui, ma foi, mènent non seulement des projets audacieux, mais qui accompagnent tout ça de très belles réflexions sur le son, la musique, les arts en général. Mon invitée de ce soir, Marie-Douce Saint-Jacques, fait partie de ces artistes qui réfléchissent le monde à même la production et la diffusion de leurs œuvres. J'ai eu la chance de rencontrer Marie-Douce Saint-Jacques dans le contexte du parcours sonore 2022 du Festival international de musique actuelle de Victoriaville. C'était en mai dernier. Elle y présentait une installation visuelle et sonore d'une grande beauté intitulée « L'étang vibrant », une œuvre constituée de rhizographies formant deux cercles aux couleurs arc-en-ciel accompagnées d'un environnement sonore imaginé autour du phénomène de l'oreille absolue et de tous ses dérivés philosophiques, si on peut dire ça comme ça, manière de méditer avec elle autour de cette quête d'absolu ou encore de perfection que nous suggère un monde, on va se le dire, plutôt imparfait. Marie-Douce Saint-Jacques est une artiste multidisciplinaire qui fréquente le monde des arts sonores, du cinéma, de la musique, des arts visuels, de la poésie et de l'édition. On pourra en parler en cours d'émission. Marie-Douce m'accordait un entretien très chaleureux il y a quelques semaines autour de sa démarche artistique et de ses projets de création. Alors voilà, parole à Marie-Douce Saint-Jacques. Marie-Douce Saint-Jacques, bienvenue à l'émission. Très heureux de te revoir. On vient d'entendre un extrait d'une courte pièce créée pour la plateforme Kuchabata Records. Ça s'intitule « Pli, pli, pli ». C'est un titre plus qu'évocateur quand on regarde ton parcours d'artiste multidisciplinaire. Je lisais dans un article, on parle d'une artiste tentaculaire là, qui s'exerce. Alors, tu t'exerces à de nombreuses écritures à travers les arts visuels, la poésie, la musique, les arts sonores. Il y a sûrement des côtés cachés à tout ça, mais je me demandais, et c'est peut-être une drôle de question, mais je me demandais si ton destin aurait pu s'accomplir à l'extérieur du monde des arts en tant que tel. Wow, quelle bonne question! c'est drôle, je ris, c'est juste parce que je me pose beaucoup de questions dans ce temps-ci, justement, là-dessus. Je pense que non. Non, je pense que c'était indissociable. Je suis tissée, serrée avec le monde des arts, je pense. Es-tu issue d'une famille où les arts avaient une importance aussi? Tu es comme un électron libre dans ton univers génétique. Ben non, je suis issue d'une famille de musiciens et d'artistes. Ma mère et mon père sont musiciens, musique classique, ont formation de musique classique, violon, piano. Piano. Et mon père est aussi artiste visuel, donc j'ai vraiment poursuivi cette voie-là. Et ça t'a inspiré tout de suite l'idée de faire une formation, d'aller à l'école et d'être intéressé par les arts aussi. Il y a un moment d'éveil qui fait que ça se cristallise autour des arts visuels, d'abord, je pense. Oui, en fait, c'est difficile à dire pour moi, la genèse. Je pense curieusement que mon premier amour, c'était plutôt l'autopublication. J'ai commencé très, très jeune, presque à l'âge de 11 ans, de publier moi-même genre de ce que j'appelais moi un magazine, mais c'est un fanzine. Mais je pense que c'est ça qui m'a menée aux arts visuels. Mais je sais pas, en fait, mes parents ont pas poursuivi dans les arts. C'est des artistes. Mon père en particulier, c'est vraiment un artiste vraiment pur et dur. Il a une perception du monde qui est vraiment absolument singulière. Mais il a eu rapidement assez peur, je pense, de sauter dans le vide. Donc, il est devenu enseignant au primaire. Moi, j'étais un peu insécure aussi par rapport à dédier ma vie vraiment à la création. Mais ça s'est fait de fil en aiguille. Au début, j'ai exploré un peu plus le design graphique. Je pensais que c'était plus ma. J'ai une grande sensibilité à ça. Mais dès qu'il y a eu question, dès qu'on à l'école, on a commencé à me parler de clientèle, de choses comme ça, là, j'ai réalisé, OK, ah oui, non, c'est vraiment trop fonctionnel pour moi. J'admire les designers, mais je trouve ça tellement fonctionnel, j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus abstrait. Pour ce qui est de la musique ou des arts sonores, là, il y a un moment d'éveil tout de même dans ton parcours. Bon, peut-être des influences familiales, mais il reste que tu bascules dans cet univers-là. Et ça, est-ce que c'est le fruit d'un hasard ou si c'est quelque chose qui mûrissait tranquillement que l'intérêt pour la musique, pour les sons? Parce que, au fond, tu navigues dans ces deux univers-là, je dirais à certains égards. Oui, ben, je pense que mes parents ont essayé de m'apprendre la musique. En fait, j'ai pas réussi à embarquer quand j'étais jeune. Je sais pas, ça me lassait que ce soit mes parents qui essaient de m'apprendre. Mais ce que j'ai développé vraiment quand j'étais enfant, c'était l'écoute. C'est mon oreille que j'ai développée. Et c'est ça qui m'a menée au monde du son et de la musique. C'est plus l'écoute et l'oreille que de jouer de la musique moi-même. C'est aussi la solitude qui m'a amenée à ça. Donc, je suis enfant unique. J'habitais aussi un petit peu loin de mes amis. Donc, je me suis rapidement tournée vers la musique pour me consoler, puis pour, comment dire, comprendre un peu plus mon rapport au monde. C'est vraiment intéressant que ce cheminement des artistes, en tout cas de ce qui les amène à des éléments de création en particulier. Écoute, si tu veux, on va écouter un extrait d'une œuvre, d'une installation qui est à la fois visuelle, sonore, qui s'intitule L'étang de vibration 1. Ça a été présenté chez Art Prime en 2021. Ça va être un extrait, parce que tout de même, c'est une pièce en longueur. Ça va être un extrait, puis on revient sur cette démarche installative qui combine le visuel et le son. Marie-Douce, on vient d'entendre un extrait de l'étang de vibration qui s'intitule peut-être aussi dans d'autres éléments l'étang du Do, D-O, pour la note Do. Cette œuvre qui combine, je dirais ça comme ça, de la matière visuelle et de la matière sonore. Je lisais dans un descriptif qu'on parle d'une méditation autour du phénomène de l'oreille absolue. Et c'est une réflexion tout de même vraiment fascinante. J'aimerais que tu nous parles de ce projet, que tu racontes l'histoire de ce projet. Oui, donc en fait, l'étang du Do, et c'est drôle, c'est la première fois que je me rends compte que ça sonne comme l'étang, E-T-A-N-G, du Do, mais c'est plutôt l'étendue Do. Oui. L'étendue Do, c'est le nom de ma première exposition solo à Art Prime, dans laquelle j'ai présenté cette installation-là qui s'appelle « L'étang de vibration ». Au départ, Art Prime, c'est un centre d'artistes dédié plutôt aux arts imprimés. Moi, je fais des arts imprimés depuis des années, donc j'avais ça en tête. Je n'avais pas vraiment l'intention de faire une installation sonore, même si depuis très, très longtemps, j'espérais un jour être capable de créer, de se faire rencontrer différentes... différents de mes langages, mon Dieu, je parle tout à l'envers, mais en tout cas, de faire rencontrer la musique et les arts visuels. Mais j'attendais, en fait, le bon moment. Et à travers l'étendue d'eau, ça s'est comme imposé par soi-même. Puis c'est vraiment ce que j'attendais, en fait, d'avoir un projet qui puisse... de ne pas forcer cette rencontre-là entre le visuel et le sonore, parce que je trouve que c'est une relation qui est très, très, très délicate. Cette exposition-là était autour d'une technique d'impression que j'aime beaucoup, qui est le risographe, la risographie, en fait, qui est une technologie japonaise approximative qui s'apparente presque à une sorte de photocopieuse, mais qui va aussi chercher une technique qui est très propre à l'imprimer, vraiment, au concept de l'imprimer avec des superpositions de couleurs, c'est-à-dire le offset et tout ça. Donc voilà, je voulais que mon exposition tourne autour de ça, et j'ai réalisé un jour que la risographie et le son avaient beaucoup en commun. En fait, la risographie et la voix, à mon avis, ont beaucoup en commun. Et c'est là que j'ai réfléchi à cette idée que je trouve absolument fascinante, qui est, c'est plutôt une aptitude d'avoir la fameuse oreille absolue. Déjà, le nom est incroyable, l'oreille absolue, ça fait... Et donc, j'imagine les auditeurs connaissent peut-être le concept, l'oreille absolue, c'est de la capacité de pouvoir, je le répète ici juste au cas où, de pouvoir atteindre une note juste sans avoir de référence préalable. Donc, d'être capable de chanter un Do juste, par exemple, sans avoir de référence. Et en fait, c'est drôle parce que la risographie elle-même est particulièrement non juste. C'est très, très difficile d'avoir une justesse dans ce processus d'impression-là. Donc voilà, c'est tout simple que ça. J'ai voulu créer une installation qui faisait une alliance entre les deux, puis qui pouvait à la fois, d'un point de vue sonore et visuel, traduire cette idée-là et cette quête-là, en fait, ou plutôt cette tentative-là d'atteindre une certaine justesse. Oui, Marie-Douce, moi j'ai vu l'installation présentée à Victoriaville et cette étendue d'eau, c'est moi probablement qui a joué sur les mots tout à l'heure sans m'en rendre compte, mais cette étendue d'eau, c'est une étendue de papier qui travaille cette idée à la fois dans l'imaginaire et dans le réel de la vibration et de ce rapport qui unit à la fois la voix, le langage, les sonorités. Je vais mettre en lien pour les auditeurs ton site Internet qui permettra d'aller jeter un coup d'œil sur le résultat de l'install. Et pour compléter, on va écouter un autre extrait cette fois de l'étang de vibration 2, l'étendue d'eau. C'est un extrait sonore tiré de l'installation qui était présentée à Victoriaville en mai 2022 dans le cadre du Festival international de musique actuelle de Victoriaville. Alors, on écoute ça. Marie-Douce, on vient d'entendre l'étang de vibration, ce travail d'artiste visuel qui combine cette réflexion sur l'art sonore, sur le son, sur l'oreille absolue. Et là, je bifurque un peu pour parler de ta démarche plus générale. Et j'aimerais ça que tu nous... je vais poser ça comme ça. Comment tu décrirais ton univers artistique au sens large? Puis ensuite, ton univers sonore, de manière plus particulière, là, manière de dire qu'est-ce qui t'anime fondamentalement dans la création artistique ou au sens le plus large qu'on puisse donner à ça? Excellente question. Je pense que j'ai un amour profond pour l'entre-deux. C'est-à-dire, c'est pour un terme qu'on connaît plus ça, vraiment l'interdisciplinarité, le détail, ce qui se situe entre les deux. Puis tu vois, justement, les temps de vibration, c'est ça, c'est des glissements entre deux demi-tons. Donc, tout ce qui est entre les deux, toutes les micro-tonalités, tout ce qui est entre, ça m'intéresse beaucoup. Mais tout ce qui est entre aussi, les disciplines, je trouve ça fascinant. Je pense que je suis en quête perpétuelle pour essayer de toujours tester les limites. Où puis-je aller en utilisant le plus de médiums possible, le plus d'approches possibles pour potentiellement créer quelque chose de singulier et peut-être aussi étendre le langage, mon langage, le mien du moins, parce que c'est une grande quête là, tout ça, là, mais c'est étendre mon langage à moi en suivant des voies qui sont un petit peu plus bizarres, disons, un peu moins tracées d'avance. Ça m'anime beaucoup. T'es pas dans l'univers de contestation, mais plutôt dans l'univers de transcender des modalités ou des univers ou des matières pour les amener sur un territoire qui serait plutôt inattendu. C'est un peu, ouais. Tout à fait, oui. Oui, oui. C'est intéressant de le dire comme ça, en fait. C'est vrai. J'ai déjà eu un esprit plus contestataire avant. Là, j'ai plus du tout, j'ai plus cette énergie-là, ou du moins, ça m'intéresse plus vraiment. Mais je pense que quand on fait des choses singulières comme ça, dans des pratiques artistiques, par définition, on reste un peu des artistes bizarres et on sort des cercles prédéfinis. Donc, par définition, on conteste un peu aussi les choses, mais de manière moins frontale, ouais. Mais voilà ce qui complète la première demi de l'émission avec Marie-Douce Saint-Jacques. Restez des nôtres, on poursuit cette conversation après un bref battement promo. CKRL 89.1, 50 ans de radio. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, on est de retour, c'est La Croche-Oreille jusqu'à 22h sur les ondes de CKRL, le 89.1, la radio qui aime le son. Je vous rappelle que vous retrouverez le titre des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille ainsi que les émissions antérieures archivées jusqu'à maintenant pour l'écoute quand ça vous tente. Au programme de cette deuxième demi, ben, la suite d'une conversation que j'ai eue avec l'artiste multidisciplinaire Marie-Douce Saint-Jacques autour de ses projets de création sonore et de création au sens large, puisque Marie-Douce s'est frottée ces dernières années à la rédaction de scénarios filmiques, à la création d'œuvres visuelles sur papier et à la composition musicale au sein du collectif Le Fruit Vert, collectif qu'elle anime depuis plusieurs années en compagnie de l'artiste Andrea Jane Cornell. Marie-Douce Saint-Jacques est aussi une éditrice très active dans le domaine du livre d'artiste, du fanzine et même du livre d'écoute, au cœur d'une petite maison d'édition qui publie des textes, dit-on, en marge de la littérature et qui privilégie la sensibilité d'artistes de tous horizons. Alors, on peut dire en somme que Marie-Douce Saint-Jacques est une artiste qui sonde le monde avec le papier, la musique, les mots. Marie-Douce, on vient d'entendre une création, ça s'intitule « Vue du large », c'est une variation, une création du duo Le Fruit Vert, ce duo qu'Andrea Jane Cornell et toi animez depuis, bon nombre d'années. Et j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui vous a réunis au départ. Est-ce que c'est la musique, le son ou bien la poésie? Qu'est-ce qui a été le ciment ou la bougie ou l'élément, le catalyseur d'un travail en collaboration qui dure, je pense? Et c'est pas toujours évident de trouver nos voix, surtout dans cette perspective où on cherche l'inattendu et ainsi de suite. Et je trouvais ça intéressant que ce travail de cohésion sur le plan artistique. Oui, c'est absolument, c'est sonore, c'est musical et sonore ce qui nous lie pour ce projet-là. Dans le cas d'Andrea, c'est plus sonore. Dans mon cas, c'est plus musical. Donc, c'est la rencontre entre les deux. Moi, je viens plus je m'intéresse plus à la musique expérimentale qu'à l'art sonore. J'adore l'art sonore, mais je suis moins capable d'en faire, on va dire ça comme ça. Andrea, elle est très, très, très sensible à tout ce qui est texture, bruit, écoute active, deep listening, etc. Donc, et aussi, j'allais parler au passé parce qu'on était jeune quand on a commencé, mais on partage toujours une grande passion pour la musique au sens vraiment large du terme. Et aussi, évidemment, il y a l'amitié. On est amis depuis très longtemps, donc c'est un projet qui a commencé parce qu'on se sentait à l'aise de faire de la musique ensemble. Je pense que les deux, on était un tout petit peu complexés. C'est difficile de faire de la musique expérimentale, surtout parce qu'il y a des si bons musiciens, des gens qui sont si dédiés à ça. Puis nous, on sentait qu'on était peut-être pas aussi bonnes que d'autres. Mais ça, dans Le Fruit Vert, on s'est jamais senti comme ça parce qu'au départ, on faisait ça pratiquement juste pour nous, pour le plaisir. Puis après, on a réalisé que c'est de la musique que d'autres personnes aimaient. Certaines personnes aiment entendre, en fait. Donc, on a continué. Mmh. C'est intéressant. C'est un projet qui semble combiner l'art et la vie au sens très, très fort du terme, là. Marie-Douce, on va écouter un titre, ça s'appelle « À la becquée » ou « À la becque ».« À la becque ».« À la becque », hein, qui est une publication à la fois sonore, accompagnée d'un livre d'artiste. Et ça documente la rencontre de trois musiciennes, ce que j'en comprends, au cours d'une résidence d'artiste que tu as ou que vous avez réalisée en Suisse. On va écouter ça, puis on va revenir sur cette passion qui t'anime concernant l'édition, publication. Marie-Douce, sur ce qu'on se disait tout à l'heure, tu expérimentes le papier, la musique, les mots depuis longtemps, mais tu diriges aussi une maison d'édition. Tu en as un peu parlé en début d'entrevue. Une petite maison consacrée aux écrits d'artistes, ça s'appelle le LAPS. Et en lisant ça, je constatais que le LAPS était une unité de temps. Et ma question est toute simple. Qu'est-ce qui donne sens à ce projet d'édition pour toi? Une passion, entre autres, qui t'anime depuis un bout, de ce que je comprends de ton cheminement, de ta trajectoire depuis toutes ces années. Oui, une sacrée passion. Un enthousiasme aussi. Je pense que, si je me rappelle bien, ça fait tellement longtemps, mais il me semble que l'étymologie d'enthousiasme, c'est quelque chose comme un élan de l'âme. C'est ça. C'est à ce niveau-là. Aussi, je suis vraiment bon public. Je m'enthousiasme beaucoup, beaucoup pour certains artistes, certaines artistes. Et le LAP, ça me permet de matérialiser ça, de cristalliser cet enthousiasme-là que je décris même parfois comme de l'amour. C'est comme si je tombe en amour avec certaines œuvres, certaines pièces, certains écrits, certaines pratiques artistiques. Et j'ai envie de donner à ces œuvres-là une certaine pérennité, parce que je crois quand même beaucoup dans l'objet. L'objet disque, l'objet sonore. Juste un point de vue archivistique, en fait, surtout. J'ai l'impression que ça traverse le temps quand même mieux que d'autres choses. Ça permet aussi d'avoir une écoute plus concrète, de savoir ce qu'on a, de ce qu'on écoute, ce qu'on aime, au lieu d'avoir comme que des fichiers immatériels dans un ordinateur, par exemple. Voilà, donc c'est ça, c'est des rencontres. J'ai fait des rencontres au fil des 10 dernières années, parce que là, ma maison d'édition a 10 ans cette année, en 2023. Donc, dans les 10 dernières années, j'ai rencontré soit des artistes, soit des œuvres, et j'ai voulu les embarquer dans le petit projet qui est le LAPS. Et comment tu vois le développement d'un projet comme celui-là, avec les années, dans le contexte là, où on est dans la culture numérique, où on est dans la dématérialisation? Est-ce que cet intérêt-là, il existe aussi chez les gens, de conserver la matière en tant que telle? Oui, je pense que oui. Il y a définitivement ce que j'appelle des fétichistes, de doux fétichistes qui aiment encore la matière papier, le disque. Là, en plus, c'est bizarre parce que c'est des livres disques, c'est vraiment des livres. Moi, l'idée du LAP, c'était un peu d'arriver de détourner, comment dire, d'arriver dans le milieu du monde des livres et de faire une maison d'édition dans les règles de l'art, vraiment, comme avec de la correction des preuves, de la traduction, règles de l'art, de lancer ça dans le milieu du livre, mais comme pratiquement un projet artistique. Je suis seule qui fait ça, puis ça a l'air professionnel, ça a l'air d'une maison d'édition, mais en fait, c'est juste moi qui fais ça. Mais oui, il y a un bel accueil, les gens aiment ça, je pense que... Aussi, j'étais libraire pendant longtemps, puis j'espionnais un peu les gens qui déambulaient dans les librairies où j'ai travaillé, puis j'ai remarqué que les gens aiment beaucoup les petits livres. Les gens avaient beaucoup d'attirance, comme on aime, dans une librairie, ceux qui bookinent vont toucher les livres, puis souvent, les gens touchaient les petits livres. Fait que j'ai décidé de créer une très petite collection. Mais aujourd'hui, pour répondre aussi à la question, c'est pas tant l'aspect matériel du LAPS que je trouve importante. Il y a une autre dimension que j'avais pas réalisée, mais qui m'apparaît très importante aujourd'hui, c'est que c'est désinstitutionnalisé. Ça fait pas partie de rien. Et je trouve ça important, en fait. Je dis pas que c'est facile, parce que c'est moi qui porte tout. Donc, j'ai pas de ça. Ça veut dire que j'ai pas de bourse, j'ai rien. J'ai pas d'aide financière. Mais ça fait aussi que c'est un projet qui est libre, complètement libre. Et ça, je pense que plus ça va, plus c'est important, selon moi. Ouais. Marie-Douce, on va écouter dans la foulée de ce que tu racontes un titre qui s'intitule « Premier souffle ». Qui a été réalisé avec le collectif Pas Chic Chic, exactement, Pas Chic Chic, tu me corriges. Et puis on écoute ça et puis on poursuit ensemble notre conversation. Thank you. Marie-Douce, on a parlé tout à l'heure du travail de collaboration avec le Fruit Vert. Il y a d'autres collaborations, une entre autres que j'ai trouvée plutôt intéressante, qui est dans la foulée de ta réflexion sur l'art. Cette collaboration que tu fais avec Alexandre Saint-Onge, on parle de poésie hermétique. Et je voulais en parler avec toi parce que le terme m'a un peu surpris, parce que je me disais, est-ce que il y a quelque chose, une plus-value à la poésie dans cet hermétisme, parce que au premier abord, on pourrait toujours dire que la poésie est hermétique. Et je trouvais ça intéressant qu'on ajoute, qu'on le souligne de par cette réflexion que tu fais avec Alexandre. J'aimerais que tu nous en parles de ça. Oui, en fait, c'est un livre qu'Alexandre a publié au LAPS, donc j'appellerais pas ça une collaboration, c'est plus que j'ai publié à quelques reprises des choses d'Alexandre, que ce soit dans le LAPS ou 25 ans dans le fanzine que j'avais dans les années 90. Pour moi, Alexandre Saint-Onge est un artiste absolument extraordinaire, qui m'inspire beaucoup. Ce projet-là en particulier, c'était le premier livre-disque au LAPS. Et Alexandre a toujours une approche très, très conceptuelle, très rigoureuse, en même temps extraordinairement expérimentale. C'est le cas de son livre qui s'appelle « Nude de choses de même ». Et c'est de la poésie qu'il a générée avec... il travaille avec des algorithmes, avec sa contrebasse MIDI, avec de la programmation aussi. Il y a plein de choses qui m'échappent dans son processus, c'est assez complexe. Mais ce que j'aimais en particulier, c'est qu'il a chanté sur ce projet-là. Donc, il chantait... Il a écrit une poésie, après la poésie, l'algorithme générait des mots, ensuite lui, il chantait les mots. Bref, un long processus, mais qui crée un résultat très, très étrange que j'aime beaucoup. Tout à fait. On va en écouter d'ailleurs un bref extrait, parce que c'est tout de même un travail de longue durée. Alors, on écoute un bref extrait de ce projet réalisé avec Alexandre Saint-Onge, dont le titre, rappelle-nous le titre, Marie-Douce. Nude de choses de même. Alors, on écoute ça. Processus d'arme à feu. 9 mm. 5233, 8812. Lame. Vas-y. Def. IGN. Marie-Douce, pour clore notre rencontre, j'aimerais que tu nous parles de tes projets, les projets qui s'en viennent, de réflexion ou de création. Là, une artiste qui est tentaculaire est sûrement prise par de nombreux projets, nombreux enjeux. Comment ça se projette là, pour les prochaines semaines, prochains mois pour toi? Oui, toujours plein d'enjeux, en effet. Moi, je travaille vraiment en spirale, tu sais, Je touche à la musique, ensuite les arts visuels, ensuite la publication. Là, je retourne à la musique. C'est toujours en cercle comme ça. Donc, mes prochains mois sont circulaires, toujours. Donc, j'ai une nouvelle publication au LAPS qui va paraître bientôt, un disque de Émilie Roby, qui devrait être même paru peut-être au moment que le podcast va sortir. C'est le 24 janvier que ça apparaît. Sinon, avec ma chère amie et collègue Andrea Jane Cornell pour Le Fruit Vert, on est en train de travailler sur un nouvel album. Ça serait notre troisième album. Et bon sang, j'ai toujours... j'ai eu un atelier, hein, fait que je vais à l'atelier. J'ai fait toujours plein de collages, de choses comme ça. J'espère faire une autre exposition dans les prochaines années. C'est pas toujours facile d'avoir accès à un lieu d'exposition, mais j'espère le faire parce que quand j'ai un contexte d'exposition comme ça, ça me permet vraiment... J'ai besoin de contexte, en fait, pour créer. Donc, ça me permet d'aligner mon énergie puis ma... vers un projet en particulier. Donc, voilà, je croise les doigts pour avoir une exposition. Et Marie-Douce Saint-Jacques, grand merci d'avoir accordé cette rencontre aujourd'hui. C'est très agréable. Merci Gaëtan, c'est vraiment un honneur de d'être ici avec toi. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie de l'artiste sonore, l'artiste visuel, musicienne, éditrice, Marie-Douce Saint-Jacques, que je remercie chaleureusement de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres. Je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site L'Accroche-Oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre aventure sonore. Au microphone, Gaëtan Gosselin qui vous salue.